Chapitre 289. Certaines choses que l'on prend à tort pour de l'ostentation. 1621. D'après Abu Dharr, radiyallahu anhu, on demanda au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, « Que dis-tu d'un homme dont les gens vantent les bonnes actions ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « C'est une bonne nouvelle que le croyant reçoit dès maintenant. » Muslim.